Praise the Lord. Gloire à Dieu. Amen. What a great blessing today. Quelle grande bénédiction aujourd'hui. To be at the Jesus is Lord studios. D'être au studio de Jésus est Seigneur. From wherever you are tuned in tonight. D'où que vous soyez en train d'écouter. I want to say. Je désire dire. That indeed it's a blessing and honor. Que en fait c'est une bénédiction et un honneur. That the Lord can send me to you at this hour. Que le Seigneur puisse m'envoyer vers vous à cette heure. And there are things I'm going to talk about here. Et il y a des choses à propos desquelles je désire vous parler ici. Today. Aujourd'hui. That are indeed going to have a very serious bearing. Qui vont avoir en fait un effet sérieux. On the future of the nations. Sur le futur des nations. Again, there are things that the Lord has sent me to say in this place. Encore, il y a des choses que le Seigneur m'a envoyé dire en cette place. That are going to change your lives forever and ever. Qui vont changer vos vies pour toujours et toujours. Precious listeners. Précieux auditeurs. The message the Lord is going to speak here. Le message que le Seigneur va donner ici. Is going to be most sensitive to the church. Va être plus sensible à l'église. And so it's my prayer at this hour. Et alors, c'est ma prière en ce moment. That the Lord, the God of heaven. Que le Seigneur, le Dieu du ciel. Jehovah Elohim. Jehovah Elohim. Jehovah El Olam. Jehovah El Olam. Jehovah Hoseinu. Jehovah Hoseinu. That out of his abundant mercies in heaven. De son abondante miséricorde dans les cieux. He will be able to give you grace. Il sera capable de vous donner la grâce. And open your spiritual ears. Et d'ouvrir vos oreilles spirituelles. That you may understand this. Pour que vous puissiez comprendre cela. That you may perceive the gravity of it. Pour que vous puissiez percevoir la gravité de cela. And realize the moment at this hour. Et réaliser le moment de cette heure. And how critical this hour is. Et combien cette heure est critique. For the coming of the Messiah. Pour la venue du Messie. I would be reviewing the works of the four apocalyptic horsemen. Revoir les œuvres des quatre cavaliers apocalyptiques. To summarize their achievement. Pour résumer la réalisation. Ever since the Lord sent me to prophesy their coming. Déjà depuis que le Seigneur m'a envoyé prophétiser leur venue. And until their coming was realized, manifested. Et jusqu'à ce que leur venue soit réalisée et manifestée. And how they have caused a significant transformation across the face of the earth. Et comment ils ont provoqué la transformation significative à travers la face de la terre. Alléluia. Alléluia. This has been long time in coming. Il y a longtemps que je n'étais pas venu. And I want you to know, precious listeners. Et je désire que vous sachiez, précieux auditeurs. That there is tons and tons that the Lord has allowed me to go through tonight. Il y a beaucoup, beaucoup que le Seigneur me permet d'amener ce soir. Including very, very sensitive segments. Des segments très, très sensibles inclus. At which I will be looking at the war that is coming to Iran. Où je vais parler de la guerre venant en Iran. In this look at the war that is coming to Iran. Dans ce regard de la guerre venant en Iran. The Lord has allowed me today. Le Seigneur m'a permis aujourd'hui. To open up a little further on the significance of that war. Pour expliquer un peu plus à propos de la signification de cette guerre. Towards the coming of the Messiah. Envers la venue du Messie. And very quickly you will realize. Et très rapidement vous allez réaliser. That we are sitting at the threshold of a very major visitation. Que nous sommes assis sur le seuil d'une visitation beaucoup de médias. And like I said. Et comme j'ai dit. I will begin by giving a general overview. Je vais commencer par donner une vue générale on the works of the four apocalyptic horsemen, des œuvres des quatre cavaliers apocalyptiques, and their accomplishments, et leur accomplissement that they have achieved up to date, qu'ils ont accompli jusqu'à aujourd'hui. And then after that, et ensuite, après cela, I will narrow down onto this very, very sensitive material, je vais me concentrer sur cette matière très sensible regarding the war that Israel is about to fight with Iran. Concernant la guerre que Israël va lutter contre l'Iran. You will be very much reminded here how I've been going across the entire face of the globe. Vous allez vous souvenir très bien ici comment j'ai été autour de toute la face du globe, prophesying the coming of this conflict, prophétisant la venue de ce conflit, the coming of the war, the nuclear war with Iran, la venue de la guerre nucléaire avec l'Iran. And I'll share that very, very clearly today. Et je veux le partager très, très clairement aujourd'hui. And open up et révéler how that war, comment cette guerre, which is about to take place, qui est prêt à prendre place, as you can watch over your news, comme vous pouvez le voir dans les nouvelles, you now know that that war is a reality, is going to take place. Et vous savez maintenant que cette guerre est une réalité, elle va prendre place. And you will soon realize that the earth has never been in this direction before. Et vous réaliserez que la terre n'a jamais été dans cette direction avant. The Lord spoke with me even as he took me to Angola. Le Seigneur m'a parlé même quand il m'a amené en Angola. And from Angola, the Lord spoke about the tempest that would come. Et de l'Angola, le Seigneur m'a parlé à propos de la tempête qui va venir. The message about Angola was very clear. Le message à propos de l'Angola était très clair. Because of the state of disobedience to the Lord. À cause de l'état de désobéissance au Seigneur. When anybody disobeys the Lord, quand tout le monde désobéit au Seigneur, they have no eternity with God. Ils n'ont pas d'éternité avec Dieu. Any nation henceforth too disobeys the Lord. Quand toutes les nations, par conséquent, désobéissent au Seigneur, their eternity with the Lord is erased. Leur éternité avec le Seigneur est coupée. And so in Angola, et alors, en Angola, the Lord spoke to the nation. Le Seigneur a parlé à la nation. And there were key issues that the Lord highlighted in Angola. Et il y avait des issues clés que le Seigneur a soulignées en Angola. The areas of controversy between Jehovah and the nation of Angola. La zone de controverse entre Jéhovah et l'Angola. The horrific sexual sin in the land. Les horribles péchés sexuels dans le pays. And the defilement in the church. Et la souillure dans l'église. The preaching of the putrefied gospel of prosperity. La prédication de l'évangile pourri de la prospérité. The gospel that has no power to deliver. L'évangile qui n'a aucun pouvoir de délivrer. The gospel that focuses on corruption. L'évangile qui se focalise sur la corruption. The gospel that presents a premise. L'évangile qui présente les prémices. That when you bribe the Lord, quand vous soudoyez le Seigneur, you can get away with obedience and righteousness. Pouvez vous en aller de l'obéissance et de la justice. And so the Lord spoke about the false apostles. Et alors le Seigneur a parlé à propos des faux apôtres. And the false prophets in Angola. Et des faux prophètes en Angola. The false evangelists of Angola. Des faux évangélistes en Angola. The false pastors of Angola. Des faux pasteurs de l'Angola. The teachers of falsehood in Angola. Les enseignants de la fausseté en Angola. And in that conversation, the Lord said, "Repent, Angola." Et dans cette conversation, le Seigneur a dit, Angola, repens-toi. And that if Angola does not repent, et si l'Angola ne se repent pas, then I saw a humongous unrest strike the land. et j'ai vu une énorme agitation frapper le pays. And I see a lot of young men throwing stones with police in Angola. Et j'ai vu beaucoup de jeunes gens lançant des pierres à la police en Angola. And I see police shooting at them and they're throwing stones. I see that even now. Et j'ai vu la police leur tirer dessus et ils lançaient des pierres. J'ai vu cela. And there is a very tremendous bloodshed and shooting and throwing of stones, total chaos. Et il y a une très énorme effusion de sang, des tirs, des lancements de pierres, un chaos total. And then at one point I see some young men injured very seriously, some dead. Et j'ai vu à un point un jeune homme très sérieusement blessé, quelques-uns morts. A lot of death. Beaucoup de morts. And then after that. Et ensuite, après cela. I also see. J'ai vu aussi. Now the police officers have arrested the young men in Angola. Maintenant, les officiers de police ont arrêté les jeunes gens en Angola. And so they line up a lot of them, a large number. Et ils ont aligné beaucoup d'entre eux, un large nombre. And the police officers shoot in the air. They keep shooting in the air. Et les officiers de police ont tiré en l'air. Ils ont tiré en l'air. I think the security personnel. Je pense que c'était le personnel de sécurité. And then after that. Et ensuite, après cela. I spoke to the pastors and the president of the pastors fellowship in Angola, in Luanda. J'ai parlé au pasteur au Angola, à Luanda. And I highlighted for him the gravity of repentance. Et j'ai souligné pour eux la gravité de la repentance. As the only exit, the only mitigation. En tant que seule porte de sortie, de seul adoucissement. To what the Lord had spoken about. De ce que, à propos duquel le Seigneur a parlé. And you know, in that conversation, et vous savez, dans cette conversation, the Lord decreed that there be a national repentance in Angola. Le Seigneur a décrété qu'il y aura une repentance nationale en Angola. And then, the pastors, until now, they are in a process of preparing. Et ensuite, les pasteurs sont maintenant dans le processus de préparation. They receive the message with extreme humbleness and brokenness. Ils reçoivent le message avec une extrême humilité et du brisement. And they say that the immorality in the land of Angola. Et ils ont dit que l'immoralité dans le pays d'Angola was absolutely now obvious. Était maintenant absolument évidente. To the extent that the Lord was indeed justified to raise it up. Au point où le Seigneur était justifié de le relever. And of course the false prophets and false pastors. Et pour cause, les faux prophètes et les faux pasteurs. And then I saw another dream. Et ensuite, j'ai vu un autre rêve. While still in Angola. Encore concernant l'Angola. In that conversation. Dans cette conversation, the Lord presented to me the priesthood. Le Seigneur m'a présenté la prêtrise. This is the vision the Lord showed me. C'est la vision que le Seigneur m'a montrée. I saw some sheep passing. J'ai vu passer quelques brebis. And they were whitish. It's as if they used to be white, but now they are brown. Elles étaient autrefois blanches, mais maintenant elles étaient brunes. They are now brown like the color of soil. Elles sont maintenant brunes comme la couleur du sol. And I saw those sheep, the sheep passing before me. Et j'ai vu ces brebis passer devant moi. And they were in several groups. Elles étaient en plusieurs groupes. And the first group passed. Quand le premier groupe a passé, passed by, a passé devant moi, then I all of a sudden realized there was a leopard hiding by the path. Ensuite, j'ai subitement réalisé qu'il y avait un léopard caché sur le chemin. Then I realized I saw a leopard that was hiding next to the path where the sheep were passing. Alors j'ai réalisé qu'il y avait un léopard qui était caché là où les brebis passaient. What was even most astonishing? Ce qui était même plus étonnant. In that conversation about the Church of Christ in Angola. Dans cette conversation à propos de l'Église de Christ en Angola. Is that the leopard then jumped? C'est que le léopard a ensuite sauté. When the first batch passed. Quand le premier groupe a passé. Of the sheep with the brownish coat, sheep that had been white. Avec les brebis qui avaient été auparavant blanches. When that first batch passed. Quand ce premier groupe a passé. there were these two sheep that were now behind one following the rest. Il y avait ensuite deux brebis qui étaient en arrière et qui suivaient le reste. Then I saw the leopard jump. Alors, j'ai vu le léopard sauter. And try to attack one of the two. Et essayer d'attaquer l'une des deux. Then the sheep did not run much. Alors les moutons n'ont pas tellement couru. I hadn't known that the sheep actually do not ever run away. Je n'avais pas su que les brebis ne s'en allaient pas. And so the sheep just moved a little bit in fright. Alors les brebis se déplacent juste un petit peu effrayées. And the leopard just tried to attack and went back to his position. Et le léopard juste a essayé d'attaquer et retourner à sa position. And the first batch passed. Et le premier groupe a passé. But when the second batch of sheep came, et quand le second groupe de brebis a passé, then again the ones which were at the last end. Et encore ceux qui étaient à la fin. I now saw the leopard jump. J'ai maintenant vu le léopard sauter. And bite the tail of one of the sheep. Et mordre la queue d'un des moutons. And immediately the leopard bit the tail of one of the sheep. The leopard withdrew back. Et immédiatement le léopard a mordu la queue d'un des moutons et ensuite immédiatement il s'est retiré. But when the leopard saw the blood that the tail was bleeding. Alors quand le léopard a vu le sang parce que la queue saignait. Then he jumped with ferocity, very ferociously again. Alors il a sauté avec férocité, très férocement encore. When he saw the blood now. Quand il a vu le sang maintenant. He jumped with a lot of ferocity, very ferociously jumped. Il a sauté avec beaucoup de férocité, très férocement. Il a sauté et mordu. And he beat the tail and he beat that sheep from the neck and he killed and he started eating there and beat another one also nearby. Alors il a mordu la queue et alors il a mordu au cou et il l'a dévoré et après il s'est attaqué à un autre qui était à côté. He began eating this and was eating the next one. Il a commencé à manger celle-ci et il a mangé la suivante. And then I woke up from that dream. Et ensuite je me suis réveillé de ce rêve. And then I spoke with the pastors in Angola. Et ensuite j'ai parlé aux pasteurs d'Angola. I told them that the sheep of Christ. Je leur ai dit que les brebis de Christ are being devoured in the land of Angola. Ont été dévorés dans le pays d'Angola. I told them that the Lord had spoken with me. Je leur ai dit que le Seigneur a parlé avec moi. About the condition of the church in Angola. À propos de la condition de l'église en Angola. And that the sheep are being devoured. Que les brebis ont été dévorées. And the devourer is in the house. Et que le dévoreur est dans la maison. And that the nation needed to repent. Et que la nation avait besoin de se repentir. That the devourer may be kicked out of the sanctuary. Pour que le dévoreur puisse être jeté dehors du sanctuaire. And I say the false prophets are devourers. Et j'ai dit que les faux prophètes sont des dévoreurs. They are that leopard. Ils sont ce léopard. The false evangelists are the leopard. Les faux évangélistes, ce léopard. The false pastors are the leopard. Les faux pasteurs sont le léopard. The false teachers are the leopard. Les faux enseignants sont le léopard. In other words, the false ministry is the leopard. En d'autres mots, le ministère faux est léopard. And I also say. Et j'ai dit aussi. While still in the land of Angola. Pendant que j'étais encore dans le pays d'Angola. That in Angola. Que en Angola. In that conversation with Jehovah. Dans cette conversation avec Jéhovah. The Lord is also saying. Le Seigneur dit aussi. That the devourer called HIV/AIDS. Yes. Que le dévoreur s'appelle le sida. Who is actually byproduct of the fall in the house. Qui actuellement est produit par la chute dans l'église. The moral fall in the church. La chute morale dans l'église. That is the devourer also. Que c'est ça le dévoreur aussi. That the sheep are being devoured by HIV/AIDS. Que les brebis ont été dévorées par le sida. Because the moral standing of the church has been compromised. Parce que le standard moral de l'église a été compromis. that the church is not in upright standing with the Lord anymore. Que l'église n'est plus dans un standard juste avec le Seigneur. And right now they're preparing for a very national repentance in Angola. Et juste maintenant, ils se préparent pour une grande repentance nationale en Angola. A mighty national repentance. Une grande repentance nationale. And then when the Lord brought me back to Kenya. Et ensuite, quand le Seigneur m'a ramené au Kenya. Then he spoke with me about Angola again. Alors il m'a encore parlé de l'Angola encore. And I saw political campaigns in Angola. Et j'ai vu des campagnes politiques en Angola. And they were so split that there were two groups meeting just next to each other, back to back. Elles étaient si divisées, c'était deux groupes dos à dos. And I see chaos break out. Et j'ai vu le chaos se déclencher. And I see the security services. Et j'ai vu le service de sécurité. I don't know who they are, but these ones wear the red beret, red hat. Je ne sais pas qui ils sont, mais ceux-ci portent des casques rouges. So they respond to the situation and there is big chaos down there. Alors ils répondent à la situation et il y a grand chaos là. And I spoke to that nation after that conversation. Et j'ai parlé à cette nation après cette conversation. So the Lord has spoken to Angola. Alors le Seigneur a parlé à l'Angola and declared on the need for repentance. Et a déclaré ce besoin de repentance. That Angola must now repent. Que maintenant l'Angola doit se repentir. I want to talk about the nation of Nigeria. Je désire parler à propos de la nation du Nigeria. The Lord spoke with me when I was in Nigeria. Le Seigneur a parlé avec moi quand j'étais au Nigeria. About the need for the nation of Nigeria to repent. À propos du besoin de la nation du Nigeria de se repentir. And at that time, the Lord mentioned two buildings will come down. Et en ce temps, le Seigneur m'a mentionné deux immeubles qui vont s'écrouler. After the crack, I could see a crack on the buildings. Après le choc, j'ai pu voir une fissure sur le bâtiment. And the Lord said that the nation of Nigeria needed to repent from falsehood. Et le Seigneur a dit que la nation du Nigeria a besoin de se repentir de la fausseté. So many false prophets in Nigeria. Il y a tellement de faux prophètes au Nigeria. So many false teachers, false apostles. Tellement de faux enseignants, de faux apôtres. But most recently, mais plus récemment, the Lord again spoke with me about Nigeria. Le Seigneur encore a parlé avec moi à propos du Nigeria. And in that conversation about Nigeria, et dans cette conversation à propos du Nigeria, the Lord took me to the land of Nigeria. Le Seigneur m'a emporté au pays du Nigeria. Yeah. In the spirit. En esprit. And in Nigeria, I saw these women whose breasts were naked, who were walking with naked breasts. Et au Nigeria, j'ai vu une femme qui marchait avec une poitrine dénudée. At one place, I don't know whether it's all over the country, but at that place, they were walking with naked breasts. Je ne sais pas dans quelle partie du pays, mais dans cette place, ils marchent avec des poitrines dénudées. And then they were also naked by just tying a small piece of cloth around their waist, but literally they were totally nude. Ensuite, elles marchaient avec juste une petite pièce de tissu autour des hanches. Elles étaient presque totalement nues. And then the voice spoke. Et ensuite, la voix a parlé. And he said that 100 nairas. Ils ont dit que 100 naira. 100 nairas. 100 naira. And then after that, the Lord asked Nigeria to repent. Et ensuite, après cela, le Seigneur a demandé au Nigeria de se repentir. And so that reminded me very much of what happened to New Orleans. Et ça me rappelle beaucoup ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans. And the Lord took me prior to the judgment that struck New Orleans. Quand le Seigneur m'a envoyé avant le jugement qui a frappé la Nouvelle-Orléans. And the Lord showed me the nudity by the beaches. Et le Seigneur m'a montré la nudité à la plage. The women that were walking with naked breasts, open breasts. Des femmes qui marchaient avec des poitrines nues, des poitrines ouvertes. And they were walking naked and nude by the beaches. Elles étaient en train de marcher nues et dénudées à la plage. Until I warned New Orleans. Jusqu'à ce que j'avertisse la Nouvelle-Orléans. Until Hurricane Katrina became a reality, became fulfilled. Jusqu'à ce que l'ouragan Katrina se soit passé. When I went shouting all over the earth asking who tells the ocean where to stop. quand je suis allé tout autour de la terre, criant, où dit à l'océan, où s'arrêter? And that is what reminded me so much about the Nigerian situation. Et c'est ce qui me rappelle tellement à propos de la situation du Nigeria. And likewise. Et de même. That is what the Nigerian situation reminded me about New Orleans. C'est ce que la situation au Nigeria m'a rappelé ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans. And so the Lord has decreed the need for a national repentance in Nigeria. Et alors le Seigneur a décrété le besoin d'une repentance nationale au Nigeria. That he may restore the church. Pour qu'il puisse restaurer l'église. Restore the house. Restaurer la maison. I want to remind you of the recent earthquake in the Philippines. J'aimerais vous rappeler le récent tremblement de terre aux Philippines. When I went to the Philippines and I was having meetings there. Quand je suis allé aux Philippines et que j'avais des rassemblements là-bas. In Manila. À Manille. On March 25th and March 26th. Le 25 mars et le 26 mars. And I pronounced from there that an earthquake is coming. Et j'ai prononcé là qu'un tremblement de terre va venir. And I remember I told them that the nation of the Philippines must repent. Et je me souviens, je leur ai dit que la nation des Philippines doit se repentir. And prepare the way for the coming of the Messiah. Et préparer le chemin pour la venue du Messie. Just like Nigeria and Angola and Australia. Juste comme le Nigeria, l'Angola et l'Australie. And Sweden. Et la Suède. And Switzerland. Et la Suisse. All the nations the Lord have taken me to London, UK. Toutes les nations où le Seigneur m'a amené, à Londres, au Royaume-Uni. South Korea. Dans la Corée du Sud. And I said, this was time for the Philippines also, the Filipinos to repent, turn away from sin. Et j'ai dit que c'était le temps pour les Philippines, les gens des Philippines, de se détourner du péché. And prepare for the glorious coming of the Messiah. Et se préparer pour la glorieuse venue du Messie. Before I left, I said, I saw the vision of the Lord. Avant que j'ai quitté, j'ai dit, j'ai vu la vision du Seigneur. And we posted it on YouTube in the web. Et je l'ai posté sur YouTube, sur le web. And I said, I see people that are farming on the slopes of the hill, the mountain. Alors j'ai dit que j'ai vu des gens qui cultivaient sur les pentes. They are farming on the slopes of the hills and on the mountains. Ils cultivent sur les pentes des collines et sur les montagnes. High up there, and the way they are farming is that even now I see those hills. The way they are farming, they go around the hill, so it makes like contours from up top there. You see, round, around, you know, the way they farm there. Et la manière dont ils cultivent, ils tournent et tournent autour des collines. Même maintenant, je le vois, ces coteaux, ils tournent autour des collines jusqu'à ce qu'ils soient au sommet, et c'est là la manière dont ils cultivent. And so, after pronouncing the need for the Philippines to repent. Et après que j'ai prononcé le besoin pour les Philippines de se repentir. I left that land. J'ai quitté ce pays. And when I left that land. Et quand j'ai quitté ce pays. I remember the first earthquake came and struck that land. Et je me souviens le premier tremblement de terre qui est venu et qui a frappé ce pays. And many pastors, people that were in the meeting wrote to me. Et plusieurs pasteurs qui étaient au rassemblement m'ont écrit. But you said it's going to be a tsunami. Alors vous avez dit qu'il va y avoir un tsunami. And it's going to be a massive earthquake. How come it's just this small one? Et qu'il va y avoir un grand tremblement de terre. Pourquoi est-ce qu'il y a juste ce tout petit? And you are now saying it has been fulfilled. Et vous avez annoncé en disant que ça allait se produire. And I remember replying them. Et je me souviens de leur avoir répondu. And telling them. Et de leur avoir dit. Are you sure you can withstand one single hit from the Lord? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez soutenir une simple frappe du Seigneur? Are you beckoning the Lord that come on now, bring it on now? Que vous faites signe au Seigneur de l'apporter maintenant, de le faire venir maintenant. I remember telling the people of the Philippines by email. Je me souviens d'avoir dit aux gens des Philippines par email that this was time to repent. Que c'était le temps de se repentir. And not weigh oneself with the Lord. Non pas se comparer avec le Seigneur. And I told them, et je leur ai dit, that the words of the prophet don't die. Que les paroles du prophète ne meurent pas. You should cry to the Lord and pray that he may be able to resolve it with the man of God. Vous devriez pleurer et crier au Seigneur qu'il puisse être capable, qu'il puisse être en mesure de résoudre cela avec l'homme de Dieu. And it be sorted right there with that simple shaking. Et que ce soit résolu là avec ce simple tremblement. And I remember when I was now writing and finishing so-called penning off. Je me souviens que quand j'étais en train d'écrire et de finir, I said, j'ai dit, now that you have asked for it, maintenant que vous avez demandé pour cela, it for sure will come to pass, pour sûr que ça va se passer, and it will be unto you, et ça sera sur vous, even as you have asked, même comme vous avez demandé. Look at what happened recently in the Philippines. Regardez ce qui s'est passé récemment aux Philippines. When those particular words came to pass with accuracy to the letter. Quand ces paroles particulières ont été accomplies avec l'exactitude de la lettre. Tsunami warning was given. L'avertissement du tsunami a été donné. 6.9 earthquake. Tremblement de terre de 6.9. On the top of the hills up there. Au sommet des collines là-haut. And they were saying that the rescue teams cannot even reach. Et ils disaient que les équipes de secours ne pouvaient même pas les atteindre. Cannot reach to the mountain tops. Ne peuvent pas atteindre le sommet des montagnes. In that matter, the issue of repentance between the Lord and the Philippines is not yet resolved. J'aimerais aussi partager à propos de cette question. L'issue de la repentance aux Philippines et le Seigneur n'est pas encore résolue. The Lord is asking the Filipino people in Philippines to bring forth a national repentance. Le Seigneur demande aux gens des Philippines de venir à une repentance nationale. And turn away from sin and wickedness. Et se détourner du péché et de la méchanceté. Especially sexual sin. Spécialement le péché sexuel. And apostasy in the church. Et l'apostasie dans l'église. The Lord has also spoken with me about DRC Congo. Le Seigneur m'a aussi parlé à propos de la République démocratique du Congo. In the same conversation with Nigeria. Dans la même conversation avec le Nigeria. The Lord showed me a massive earthquake coming to DRC Congo. Le Seigneur m'a montré un très grand tremblement de terre venant sur République démocratique du Congo. And the Lord has pronounced a judgment on that land. Et le Seigneur a prononcé le jugement de ce pays. Unless the people of DRC Congo repent. À moins que les gens de la RDC se repentent. And turn away from sin. Et se détournent du péché. The conversation of the Lord with Kenya. La conversation du Seigneur avec le Kenya. This has been on. We put it on the web a long time ago. Ceci a été mis sur le web il y a longtemps. When the Lord spoke with me and I called the pastors. Quand le Seigneur a parlé avec moi et que j'ai appelé les pasteurs. And I said, I see tempest coming back to Kenya. Et j'ai dit, j'ai vu une tempête revenir sur le Kenya. I see Kenya burning again. J'ai encore vu le Kenya brûler. This time it is worse. Cette fois, c'est pire. And the Lord has shown me people running with cattle. I don't know from which part of the country. Et j'ai vu des gens courir avec du bétail, je ne sais pas dans quelle partie du pays. But they are running with cattle. Mais alors ils couraient avec du bétail. But the cattle they were running with looked more like Frisian, this high-grade cattle. Et le bétail qui courait ressemblait à des Frisian, des vaches de haut degré. Because I see black and white patches on the big cow as they are running with the cows. Parce que j'ai vu des taches noires et blanches sur ces grosses vaches qui couraient avec les autres vaches. And I see people checking into refugee camps in an open ground. Et j'ai vu des gens aller dans des camps de réfugiés dans un sol ouvert. Things heaped and heaped in one corner. Des choses accumulées dans un coin. Another family with its own things. Et une autre famille avec ses propres choses. Another family. Une autre famille. I see they going back to IDP camps. Je les ai vus aller revenir dans des camps de déplacement intérieur. And the Lord is asking the nation of Kenya. Et le Seigneur demande à la nation du Kenya. to remember the first oracle that was spoken in 2004. De se souvenir du premier oracle qui avait été dit en 2004. When the Lord actually ordained and decreed. Quand le Seigneur présentement a ordonné et décrété. Proclaimed and announced. A proclamé et annoncé. And pronounced. Et prononcé. That there be one day of national repentance in Kenya. Qu'il va y avoir un jour de repentance nationale au Kenya. With all the leadership and the churches and everybody observing that day. Où tous les dirigeants et les églises, tout le monde observant ce jour. Because of the sins in the land. À cause des péchés du pays. The sins of the church. Les péchés de l'église. The church is the light of the nation. L'église est la lumière des nations. And if the church is fallen. Et si l'église tombe, the nation will have no direction. La nation n'aura plus de direction. The condition of the nation. La condition de la nation. Is a clear mirror image. Est une image miroir claire. Is a clear reflection of the condition of the church. Est une réflexion claire de la condition de l'église. And the condition of the church. Et la condition de l'église. The congregation. De la congrégation. Is a true image of the condition of the pulpit. Et l'image véritable de la condition de la chair. So you can see the cascade as the Lord has spoken. Alors, vous voyez la cascade comme le Seigneur a parlé. And that's why Kenya has a beautiful window here. Et c'est pourquoi le Kenya a une belle fenêtre ici. For the nation to come back to the Lord and repent. Pour que les nations reviennent au Seigneur et se repentent. For national healing, national reconciliation. Pour une guérison nationale, une réconciliation nationale. And to prepare the way for the coming of the Messiah. Et pour préparer le chemin de la venue du Messie. And so, why is the Lord talking about these nations? Et alors, pourquoi est-ce que le Seigneur parle à propos de cette nation? And many more other nations. Et de beaucoup d'autres nations. Listen to me, precious listeners. Écoutez-moi, précieux auditeurs. It is very important to catch this. C'est très important de saisir ceci. The nations are right now. Les nations sont juste maintenant. Preparing for the glorious coming of the Messiah. En train de se préparer pour la glorieuse venue du Messie. And the Lord has already spoken with me. Et le Seigneur a déjà parlé avec moi. About the glorious coming of the Messiah. À propos de la glorieuse venue du Messie. And the Lord has shown me. Et le Seigneur m'a montré. The glorious church being taken by the Messiah. L'église glorieuse prise par le Messie. That event will happen soon. Cet événement va survenir très prochainement. And after what you will go through tonight, the message I'll share. Et après cela, nous allons aller au message que je partagerai. The sensitive information I'll share tonight. L'information sensible que je vais partager ce soir. Then you will know. Et ensuite vous saurez. That surely the coming of the Messiah. Que sûrement la venue du Messie. Is going to be extremely very very soon. Va être très très proche. In fact, sooner than you had thought. En fait, plus tôt que vous l'aviez pensé. The Lord is currently speaking to nations. Le Seigneur parle couramment aux nations. Because time is come now. Parce que le temps vient maintenant. For the nations to prepare to appear before the Lord. Pour que les nations se préparent à apparaître devant le Seigneur. In the past, the Lord ignored such ignorance. Dans le passé, le Seigneur ignorait une telle ignorance. But now he has commanded all people everywhere to repent. Mais maintenant, il a commandé à tous les gens partout de se repentir. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. In the past, the church may have lived her own lifestyle. Dans le passé, l'église a pu vivre son propre style de vie. The nations may have lived in the way they lived, the way they wanted. Les nations peuvent avoir vécu de la manière dont ils désiraient. But now the Lord has commanded. Mais maintenant, le Seigneur a commandé. That behold, the hour has come. Mais voici, l'heure est venue. For the nations to prepare to present before Jehovah. Pour que les nations se préparent à se présenter devant Jéhovah. And yet, the only way to prepare to present before Jehovah. Et maintenant, la seule manière de se préparer à se présenter devant Jéhovah. Is by wearing the finest linen. Et en revêtant le fin lin. In Portuguese, they say it even best. En portugais, ils le disent même mieux. They say lino finissimo. Ils disent lino finissimo. Which means, does not mean the fine linen, say the finest linen. Ça ne signifie pas le fin lin, mais le lin le plus fin. And they say puro y limpio. Et ils disent puro e limpio. Which means finest linen, pure and white and clean. Ce qui signifie du fin lin pur et limpide. Which means the Lord is now asking the nations to prepare by returning to purity. Ce qui signifie que le Seigneur est maintenant en train de demander aux nations de se préparer en retournant à la pureté. Returning to moral purity. En retournant à la pureté morale. That the churches and the pastors may stop this apostasy of prosperity. Que les églises et les pasteurs puissent arrêter cette apostasie de la prospérité. That the churches may begin to adorn their fine linen. Que les églises puissent commencer à se décorer de fin lin. Finest linen, bright and clean. Du lin le plus fin, brillant et pur. That befits the wedding supper of the Messiah. Qui convient au repas de noces du Messie. That befits the glorious Christ. Qui convient au Christ glorieux. That befits the glorious kingdom of God. Qui convient au royaume glorieux de Dieu. So precious people. Alors, précieux peuple. I wanted to give you a general overview of the state of the affair. Je désirais vous donner une vue. Une vue d'ensemble générale de l'état de l'affaire. Remember when he spoke to me about the United States of America. Souvenez-vous quand il m'a parlé à propos des États-Unis d'Amérique. The earthquake that was coming. Le tremblement de terre qui allait venir. And also the floods that were coming. Et aussi l'inondation qui allait venir. And we saw the earthquake come. Et nous avons vu le tremblement de terre venir. And Hurricane Irene. Et l'ouragan Irène. And so forth. Et d'autres. That conversation is still alive today. Cette conversation est encore vivante aujourd'hui. The Lord is asking all the nations of the earth. Le Seigneur demande à toutes les nations de la terre. To prepare for the coming of the Messiah. De se préparer pour la venue du Messie. There is no greater authority than the Messiah. Il n'y a pas de plus grande autorité que le Messie. There is no greater king than the Messiah. Il n'y a pas de plus grand roi que le Messie. There is no greater government than the Messiah. Il n'y a pas de plus grand gouvernement que le Messie. There is no greater authority and kingdom than the Messiah. Il n'y a pas de plus grande autorité et royaume que le Messie. I have seen the coming of the Messiah. J'ai vu la venue du Messie. Repent. Repentez-vous. Repent. Repentez-vous. Repent and return to righteousness. Repentez-vous et retournez à la justice. I speak to the mountains. J'ai parlé aux montagnes. Repent, mountains. Repentez-vous, montagnes. And prepare for the coming of the Lord. Et préparez-vous pour la venue du Seigneur. I speak to the oceans. J'ai parlé aux océans. Repent, you oceans. Repentez-vous, océans. And seas. Et les mers. And lakes. Et les lacs. And rivers. Et les rivières. Repent and return to righteousness. Repentez-vous et retournez à la justice. The Messiah is coming. Le Messie vient. The King of Glory. Le roi de gloire. He is coming back. Il revient. For a righteous church. Pour une église juste. fruits. I speak to the trees. Je parle aux arbres. Repent. Repentez-vous. I speak to the nations. Je parle aux nations. Repent. Repentez-vous. The creatures. Les créatures. Repent. Repentez-vous. The rocks. Les rochers. Repent. Repentez-vous. The hills. Les collines. Repent. Repentez-vous. Time is over. Le temps est passé. I have seen the Messiah coming. J'ai vu le Messie venir. He is coming for a glorious bride. Il vient pour une épouse glorieuse. On the other side of this segment. Dans l'autre segment. Of this first session. De cette première section. I am going to slowly begin to walk with you. Je vais commencer à marcher lentement avec vous. To review the works of the four apocalyptic horsemen. Pour revoir les œuvres des quatre cavaliers apocalyptiques. And how much they have achieved today. Et combien ils ont accompli aujourd'hui. And how that bespeaks. Et qu'est-ce que ça annonce? A very critical notion right now. Une notion très critique juste maintenant. Critical ticking of the clock. Un tintement de la pendule qui est très critique. And I'm going to later tie in the Israel-Iran war. Et plus tard, je vais lier ensemble la guerre entre Israël et Iran. And at the end of this kesha, et à la fin de cette vigile, when you finish with this kesha, quand vous avez fini cette vigile, never ever, plus jamais, never ever, plus jamais, the same again. Vous allez être le même. You will never remain as you began. Vous n'allez jamais rester comme vous avez commencé. And you will have been sensitized. Vous aurez été sensibilisé. To where exactly the church is. Ah, où exactement est l'église? Regarding the return of the Messiah. Concernant le retour du Messie. To how critical even this night's kesha. Combien critique même cette vigile nocturne is to the eternity of the nations. Et pour l'éternité des nations. May the Lord bless you. Puisse le Seigneur vous bénir. Shalom. Shalom.